Corona veulent qu'on soit comme des doudous. Sarko, slack, coup de douce, allergique au maf et au couscous. On vient encore te parler de système à deux sous. Dans la rue, je vais pas te le traiter. M'tard de pouce, tout est programmé pour par mes frères. AT et fin, la police, le croix de feu, c'est des teintes. Les 5 piges, c'est toujours la même disquette. C'est marche ou crève, soit t'es pc, soit ta terre, petit frère. Alors tu qui tacleront façon habite à la rive, faut que la Marine le pète. Et la Rachida Dadim va voir son frère au lieu de nous saouler. Pour 30 grammes de shit, comme boule rouge, rayonnée. La gendarmerie, Marianne fait trop de discrimination. Avant de siffler la mi-temps, laisse-moi finir l'action. K.O. Rabi et les acolytes. Mais ces systèmes, on aura toujours des faces toxiques. Ils font de la peine, je préfère le discours d'un petit mec. Qui t'a raconté de la fiction, choisissez au moins du Spielberg au 18ème, frère. C'était romantisme et bohème. Aujourd'hui, je vais pas te mentir, le mal du siècle, c'est les problèmes. Si l'air pur passe sous ton nez, n'hésite pas à inspirer à fond. C'est la pollution de leur système qui fait que je manque pas d'inspiration. On se contente de peu de choses, de la fortune n'est qu'à la peine. J'aimerais arrêter le système aussi facilement qu'à la play. La France, une garde qui lésine pas sur le rouge à lèvres. J'étais perdu, elle s'est pas sorcier de savoir où j'allais parce que tu vaux rien citer. Fils d'immigrés ou de pauvres, arrêtez vos amalgames. Je crois pourtant, je bouffe des côtes de porc. Je suis blanc, je suis né en France, une pointe d'origine espagnole. On se rend tous compte ici que la vie n'est pas drôle parce qu'il t'écrase dans le monétaire. Là, je raconte pas que mon état, la France, c'est pas mon état. Bon, je m'arrête là, c'est le monétaire. Je veux profiter de ma vie pleinement et pas qu'une fois le corrompu. Je suis fidèle à mes signements, je ne suis pas un corrompu. Racisme social, Marianne, dis-moi qui manque d'éducation. L'ambiance est macabre et c'est dans l'oubli que t'es une ration. L'état nous baratine, le manque d'argent nous paralyse et le peuple voit flou. Le tout arrosé par la tise. Il faut tarter les politiciens, leur allocution raciste, man. Car ils croient qu'on est bon qu'à gratter les allocations familiales. Loin de mon rêve, du rêve Madrid et de soulever des trophées. Je traîne haut les âmes s'attristent entre bandits, ceux qui restent honnêtes. On fume des grammes de hashish et squatte avec la haisse au checks. Je perds à ma vie, ne brasse pas du vent comme une éolienne. Ici les gardiens de la fête passent le bonjour à coup de traque-moi. Des maltraquenards, des cisettes à ma feu qui m'écrapent des armes à feu. C'est arme à gueule, car c'est le peuple qui a la larme à l'œil. Et à leurs yeux, nos vies valent bien moins qu'à Paris le dort noir. Bref, j'arrive à la fin de mon couplet. Ami, au revoir.